fin d'une journée bien minutée, ils se retrouvent tous les deux isolés, prêts pour un voyage improvisé, destination indéterminée, indéterminée. Ils n'ont jamais franchi la frontière, toujours eu peur de traverser la mer. Pour eux, le monde a les couleurs de l'enfer, le paradis se cache dans l'univers. Ils iront de plus en plus loin pour se perdre en chemin. Ils iront de plus en plus loin pour ne plus revenir demain. Ils iront de plus en plus loin pour se perdre en chemin. Ils iront de plus en plus loin pour ne plus revenir demain. Sur la table, quelques cartes postales qu'ils ont retrouvé dans une vieille malle. Une carte des étoiles jaunies sur les bords, pour une destination sans passeport. Ils iront plus.